Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons entamer ce matin le chapitre 13 de l'Évangile de Marc. Notre bon Père du ciel, notre texte ce matin a poussé les disciples à regarder vers l'avenir. Et il va nous encourager à nous aussi à regarder vers l'avenir. C'est l'avenir qui va nous aider à accepter le présent. Aide-nous à comprendre l'enseignement du Seigneur Jésus à ses disciples. Car c'est pour eux et c'est pour nous, je crois, qu'il a enseigné ces vérités du chapitre 13. Ils sont importants, ils sont cruciaux, ils sont fondamentaux. Et à cause que plusieurs ont rejeté cet enseignement, ils n'ont jamais accepté le royaume de Dieu non plus. Donc, conduis-nous ce matin et que ton esprit nous fortifie, nous encourage, nous stimule à la persévérance jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, amen. Chapitre 13, chapitre apocalyptique, si je peux dire ça comme cela. Chapitre qui a fait couler beaucoup d'encre, comme les mêmes chapitres dans les autres évangiles, comme l'Apocalypse. Beaucoup d'interprétations différentes. Nous allons prendre notre temps, je ne sais pas combien de temps, on va avoir probablement plus que la semaine, peut-être on va prendre 2 semaines pour traverser le chapitre 13, et de comprendre qu'est-ce que le Seigneur Jésus voulait dire à ses disciples et qu'est-ce qu'il veut nous dire à nous aussi en même temps. Parce que le royaume de Dieu est proche. Ça fait 3 ans que Jésus dit cela. Ça fait 3 ans qu'il prêche cela. Ça faisait 1 an au début que Jean-Baptiste prêchait. Le royaume de Dieu est proche. Il arrive. Le roi est arrivé. Et l'appel qui a retenti en Israël pendant 3 ans, « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » La bonne nouvelle, c'est « Le royaume de Dieu arrive. » Le roi arrive, le Messie est là, le royaume de Dieu va être établi. Croyez à la bonne nouvelle. Mais pendant 3 ans, on les a vus se débattre avec cela. Une grande majorité du peuple ne va jamais se repentir, ne vont jamais croire à la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu, de la façon que Jésus le présente, de la façon que Jésus l'a annoncé, ça ne comblait pas les attentes des Juifs, du peuple d'Israël, et même des disciples. Les disciples avaient bien de la misère. On l'a vu à plusieurs reprises que Jésus les réprimande. Ne comprenez-vous pas encore? N'avez-vous pas encore de foi? Parce qu'ils ne comprennent pas le genre de royaume que Jésus veut établir ou va établir. Et ce qui va susciter ici l'enseignement de Jésus dans le chapitre 13, c'est pour, encore une fois, planter le clou un peu plus profond auprès de ses disciples. C'est pas ça qui est important. C'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça que je veux m'adresser. C'est pas ça que je veux apporter dans le royaume que je veux établir. Vous devez accepter ce qui s'en vient. Et même, il va pendant tout le chapitre 13, en grande partie, il va leur présenter le royaume, ce qui va leur arriver à eux. Et c'est très sombre. Haine, mort, martyr, prison, rejet. Ce qui s'en vient, ce n'est pas la terre promise. Mais je vais vous donner des vérités qui vont vous permettre de persévérer jusqu'à la fin, qui vont vous permettre, comme on va voir à quelques reprises, de ne pas vous laisser séduire. Beaucoup vont être séduits. Mais il dit, je veux que vous puissiez rester attachés à moi, à mon enseignement, au royaume que je vous ai présenté, au royaume que je vais établir. J'aimerais que vous restiez attachés à cela. Donc, il va les avertir de ce qui s'en vient, même si ça va être sombre pour eux. Puis, il va leur annoncer aussi la fin délivrante et magnifique et splendide du royaume à venir. Dans les Nouveaux Cieux, Nouvelle Terre, dans la présence de Christ et dans la présence de Dieu, pour les aimer, les adorer et les servir. Voyez-vous? Donc, on va voir ça en s'en allant. Et on va, ce matin, on va commencer par voir ce qui a stimulé Jésus à enseigner sur ce sujet-là. Lisons ensemble à partir du chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 4. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? » Donc, c'est ce moment qui enclenche l'enseignement du chapitre 13. Vous avez vous en souvenez? Lundi, mardi, mercredi, Jésus est dans le temple. Et il sort du temple. Maintenant, verset 1. Lorsque Jésus sortit du temple, c'est toute une bâtisse en Israël. J'ai eu le privilège d'y aller. J'ai pas vu le temple parce qu'il avait été démoli. Mais j'ai vu l'emplacement et la grandeur que ça avait. C'était immense. C'était l'édifice majeur avec les environnements qui étaient le centre du pays. On dit que c'était une merveille du monde. Avec tout cet or et ces pierres gigantesques, et ces bois de cèdre, c'était magnifique. Ce que j'ai vu en photo, bien entendu, parce qu'il n'est plus là. Donc, pendant qu'il sort du temple, un des disciples lui dit, « Maître, waouh, as-tu vu, Seigneur? Regarde quelle pierre! C'est immense, les pierres. Quelle pierre et quelle construction! Ça m'a pris 40 ans à le bâtir. C'était immense. Et tout ce qui entourait les autres édifices alentours, c'était beau, c'était grand, c'était immense, c'était merveilleux. Et le disciple est émerveillé de la grandeur du temple, de la beauté du temple. Je ne sais pas s'il se disait, maître, bientôt, mais tu vas établir le royaume. Tout cela, là, ça va être ta place. Ça va être à toi. Tu vas établir le royaume. Tu vas mettre en place le royaume. Est-ce qu'il se voyait lui-même, un peu comme Jean, comme Jacques, assis à la droite, à la gauche? J'ai pas de misère à penser cela. Parce que c'est ça que je vois pendant tout l'évangile de Marc. L'approche que les disciples ont, c'est une approche qui n'est pas comme celle de Jésus. Donc, je ne suis pas surpris qu'il y ait ses pensées à l'esprit. Lui, Jésus, le Messie, le futur roi, qui a été couronné lundi par le peuple, qui a chassé les vendeurs du temple. Quel temple ça va être, Seigneur? Quelle place ça va être pour nous autres et pour toi? En tout cas, c'est ce que je pense. Mais Jésus va répondre. Jésus, au verset 2, dit, « Vois-tu toutes ces grandes constructions? Il les met au pluriel. Mais au pluriel, est-ce qu'il parle du temple avec tout ce qui entourait les choses, le temple d'Hérode alentour? Est-ce qu'il voit tout cela? Peut-être. Mais il dit, vois-tu toutes ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Mais ça envoie la face du disciple. Hein? Qu'est-ce que tu dis là? De quoi est-ce que tu parles? Tout ça va être détruit. Il n'y aura pas pierre sur pierre qui va rester de ces grandes constructions. Et il continue à descendre vers la vallée de Cédron. Et il remonte l'autre côté et il va s'asseoir carrément devant le temple et toutes ces grosses bâtisses-là, cette grande construction-là. Il s'assied droit devant. Pierre, Jacques, Jean, André, vient s'asseoir pas trop loin pour lui poser une question. Donc, un disciple a parlé de ça avec Jésus et là, maintenant, son quatre. Est-ce que le disciple, ça ne me surprendra pas. En tout cas, ça madame, moi, j'aurais fait cela. Tu as parlé à l'autre. Hey, Jésus vient de dire que tout ça, toutes ces belles grosses constructions-là, ça va être détruit. Il ne restera pas pierre sur pierre. Ça va être anéanti, ça va être toute défaite. Puis il en parle entre eux autres, en montant la montagne des Oliviers. Et là, ils se sont stimulés, énervés, encouragés à dire, ben, on va lui poser la question. Okay, puis comment ça va arriver, ces choses-là? Et c'est ce qu'ils font au verset 4. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? À quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Donc, dis-nous, quand ça va arriver? Et dis-nous, à quel signe on va voir venir cela? Comment est-ce qu'on va voir ces choses-là arriver? Et c'est ce que Seigneur Jésus va répondre à partir du verset 5. Il va commencer à leur donner des signes précurseurs, avant-coureurs de ces choses-là. Et les signes qu'il va donner, les enseignements qu'il va donner, m'amènent à croire que dans la tête de Jésus, il ne parle pas seulement que du temple. Le temple en fait partie, bien entendu. Il va être détruit en l'an 70. Beaucoup de théologiens disent que c'est de cela que Jésus va parler d'une façon majoritaire dans le texte, en grande partie. Il va parler de la destruction de Jérusalem. Et je crois que oui. Oui, ça fait partie de cela. Mais je crois qu'à cause du restant de l'instruction qu'il va donner, ça va plus loin que ça. C'est pour ça que j'ai intitulé le message « Un royaume sans palais, un royaume sans temple ». Il dit « Le royaume que je viens établir, que je vais mettre en place, n'a pas besoin de ces belles constructions-là. Je n'ai pas besoin d'un temple, comme le dit la Samaritaine. Le jour vient, ce ne sera ni à Chorazim, ni à Morija, à Jérusalem, qu'on va adorer, parce qu'on va adorer en esprit et en vérité. Donc, toutes ces choses-là, j'en ai pas besoin. Et le royaume que je vais ultimement installer dans les nouveaux cieux, nouvelle terre, je n'ai pas besoin de cela. Tout cela va disparaître. Et je crois qu'il va plus loin. Je crois qu'il est en train de dire à toute l'Église, dans toutes les générations, dans tous les temps, parce qu'on va voir tout ce qu'il va dire à ses disciples. Les disciples l'ont vécu. Mais les disciples de tous les temps vont le vivre aussi. C'est pas quelque chose de particulier à ces disciples-là. Je suis obligé de voir que ça s'étire jusqu'à la fin des temps. C'est ce qu'il va dire un peu plus bas dans le texte. Après ces jours, vous allez voir le Fils de l'homme venir sur un nuée. Donc, il va jusqu'à la fin des temps. Dans son instruction. Donc, je crois qu'ici, il dit, vous voyez, tout cela va disparaître. Je crois qu'on est obligé de dire, nous, moi, je pense, que tout ce que nous voyons aujourd'hui, autour de nous, va disparaître. Tout ce qui est là va disparaître. Ne mettez pas trop d'attention sur toutes ces choses. On prend soin de nos maisons, on prend soin de nos autos, de notre corps, mais il faut faire attention. Tout cela, c'est correct, mais ça va tout disparaître. Ne rêvez pas de cela. N'investissez pas votre vie et votre éternité là-dessus. Je ne suis pas venu pour cela, ça va tout disparaître. Je ne suis pas venu pour vous amener une postérité comme au temps de Salomon. Tout cela est appelé à disparaître. Moi, je suis venu pour amener un autre genre de royaume. Un royaume spirituel. Un royaume dans le cœur. Et c'est pour ça qu'il va dire, vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en vous. Jésus-Christ habite en vous. Toutes ces choses vont disparaître, vont s'en aller. Ils ne seront plus là. Et quand je vais faire les nouveaux cieux, nouvelle terre, on va voir un autre monde bien différent de cela. Mais ça, il faut aller dans l'Apocalypse pour le voir. Mais le but ici, ce n'est pas de décrire les nouveaux cieux, nouvelle terre. Mais le but de cet enseignement-là, il va le dire un peu plus bas. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Puis il va terminer son enseignement. Veillez, veillez, veillez, veillez. Il va le dire à plusieurs reprises. Veillez! Afin que quand je vais venir, vous ne soyez pas endormis. Veillez. Donc, le but de l'enseignement ici, à ses disciples, parce que lui, il sait qu'est-ce qui s'en vient. Lui sait que la mort l'attend vendredi. Lui sait toute la persécution que les disciples vont vivre, toute la haine qu'ils vont recevoir, tout le rejet qu'ils vont vivre. Il sait tout ça, ce qui s'en vient pour les prochains millénaires. Il sait. Et il veut les préparer à vivre leur foi dans un monde bien différent de ce qu'ils pensent que ça va être. Bien différent. Donc, les questions, c'est quand? Quand? Ils vont finir par dire un peu plus bas, on va le voir. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Donc, je ne peux pas vous dire quel jour, quelle heure. Personne ne sait. Mais je vais vous donner des signes, parce que la question, c'est à quel signe? Ils vont en donner plusieurs signes, mais on pourrait le rassembler dans un ensemble, mais on va les voir un par un. Je vais vous donner des signes avant-coureurs. Qu'est-ce qui va se passer avant que ces choses-là arrivent? Donc, ceux qui s'adressent à qui disent que Jésus parle ici de l'an 70, où est-ce que la ville de Jérusalem va être détruite par Titus, l'armée romaine, ben, ça va se passer. Et tout ce que Jésus va dire, ça va se passer, là, dans les 40 ans qui vont suivre. Parce qu'on est à l'an 30, c'est à l'an 70 que Titus va tout détruire. Donc, 40 ans, tout ce que Jésus va dire, là, ils vont le voir s'accomplir. Mais je crois que c'est télescopique, ça va se répercuter, ça va se reproduire jusqu'à la fin des temps. Tout ce que Jésus va produire à ses disciples. Et quand on lit l'histoire de l'Église, on le voit que chaque génération de chrétiens a vécu ça aussi dans le monde. Donc nous allons voir dans les jours qui s'en viennent des signes avant-coureurs pour qu'on comprenne quel genre de royaume Jésus va instaurer. Et qu'est-ce qui va arriver avant qu'il instaure ultimement le royaume de Dieu dans les nouveaux cieux et dans la nouvelle terre. Notre bon Père du ciel, tout ce que nous voyons autour de nous, dans nos maisons, dans nos miroirs, va être détruit, va disparaître. Je suis plus affecté par ma disparition que par la disparition de mon auto. Mais pourtant, ça va arriver. Tout ce que je vois ici, dans ce monde, est appelé à disparaître. Et le monde dans lequel tu nous as placés est en opposition à toi. Le royaume de Dieu mis en place va être confronté continuellement par le royaume du diable, par le royaume des ténèbres, par le royaume de Satan. Donc, Seigneur, aide-nous à bien comprendre l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu vas nous donner, à travers cet enseignement, des vérités qui vont nous amener à persévérer jusqu'à la fin. Amen.